bien joli, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, il y a plein de pêcheurs, il y a aussi des tracteurs, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, il y a des concours de labour, ta mère aussi on laboure. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh oh, mais si tu viens toi, ils écorchent. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh oh, mais si tu viens toi, ils décorchent. Y'a des débits de boissons, et on n'y croise pas que des cons, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, la boule de porc et le poudre, leur blague préférée c'est proute, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, l'équipe de foot elle est bonne, ta mère aussi elle est bonne. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh oh, mais si tu viens toi, ils décorchent. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh, mais si tu viens toi, ils décorchent. Fais bien gaffe quand tu conduis, y'en a plein qui ont plus permis, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, à côté y'a la voile, c'est un peu notre Pigalle, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, c'est là-bas qu'on trouve ta mère qui serait mieux à la Daguenière. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh oh, mais si tu viens toi, ils décorchent. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh oh, mais si tu viens toi, ils décorchent. Dédé, tu nous as quittés, tu commences à nous manquer, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, désormais on te ressemble, le bar-tabac nous rassemble, mais il y a un truc qui cloche. Ding ding dong, si tu cherches des pics, des lignes, viens chez Nanar le vendredi. Les jeunes de la DAC sont des corps. Oh oh oh oh, mais si tu viens toi, ils décorchent. Les jeunes de la DAC sont des cloches. Oh oh oh oh, et si tu viens toi, ils décorchent ce d'arbre. Ah ouais, bien réussi. Non mais le début il est terrible aussi.